إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Donc nous entamons un nouveau cours concernant l'ouvrage du Cheikh Dr. Al-Allama Salih ibn Sa'd al-Suhaymi, Hafizahullah Ta'ala, qui s'intitule Mudhakkiratun fil Aqidah. Et le Cheikh nous dit Al-Thalith, troisièmement, Tawhid al-Asma'i wa al-Sifat, l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. وهو الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى إيمانا بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. C'est d'avoir la foi en ce qui nous a été rapporté dans le livre et la sunna concernant les noms d'Allah sublimes et ses attributs les plus élevés, une foi sans aucune altération, aucune négation, ne pas à chercher le comment de ces noms et attributs, de ne pas les interpréter ni de leur donner une quelconque ressemblance aux créatures, selon la parole divine dans le sens du verset, rien ne lui est semblable, rien ne lui ressemble, et il est l'audient et l'omniscient, il est celui qui entend et il est celui qui voit. فالواجب على المسلم أن يصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. Donc il est un devoir, une obligation pour chaque musulman de reconnaître à Allah ce qu'il s'est attribué pour sa propre personne ou lui attribué son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans ajout ni enlèvement. On ne rajoute rien et on n'enlève rien de cela. Dans le verset coranique cité par le shir, laïsa kamithlihi shay, là on y comprend que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble et rien ne lui est semblable, et il est celui qui entend et il est celui qui voit. Donc il y a la négation du fait qu'on n'a pas le droit de donner une quelconque ressemblance à Allah dans les noms et les attributs, et Allah se reconnaît comme attribut qu'il voit et qu'il entend. C'est-à-dire, Allah il voit, mais on n'a pas à donner la ressemblance de la vue avec la vue de la créature qui voit. Allah, il entend, on n'a pas à donner une ressemblance à l'ouïe d'Allah car les créatures ont une ouïe et ils entendent. Puisqu'Allah il nous dit en premier lieu, rien ne lui est semblable. Mais le fait que rien ne lui est semblable n'empêche pas qu'il a des attributs et des noms, subhanahu wa ta'ala. وقد توعد الله تبارك وتعالى من ألحد في أسمائه وصفاته بأي سورة من سور الإلحاد فقال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Et Allah a menacé ceux qui altèrent ses noms et ses attributs, quelle que soit la façon ou la manière d'altérer. Allah dit dans le sens du verset, « Et à Allah appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ses plus beaux noms. Et délaissez ceux qui altèrent, ceux qui donnent une interprétation fausse à ses noms et ses attributs, à ceux qui altèrent dans ses noms, ils auront la rétribution qu'ils méritent pour leur agissement. » Et les ulama, et le cheikh va en parler inshallah, en résumé sur cette question, ils disent que dans les textes religieux, ce qu'Allah ne se reconnaît pas comme nom et attribut, ne se donne pas comme nom et attribut, il nous en parle vaguement. Et ce qu'il s'attribue comme nom, il se reconnaît comme nom et attribut, il nous en parle en détail. Et voilà la voie de l'Sunna. Contrairement aux innovateurs sur ces questions, qui eux détaillent ce qu'Allah ne s'est pas reconnu. Et entrent dans les détails sur ces questions. Et ils restent vagues sur ce qu'Allah il s'est attribué. Donc dans l'affirmation, il reste vague. Là où le Coran et la Sunna ont détaillé, ils font le contraire de ce que dit la religion. Wal'iyadhu billah. Donc vous les voyez dire, on ne reconnaît pas Allah, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et lorsqu'on parle de l'affirmation, ils sont vagues. Ou ils parlent de quelques attributs. Alors que dans le Coran et la Sunna, l'affirmation elle est détaillée. Et ce qui n'est pas propre à Allah, ça nous est rapporté, mais d'une façon vague. وَمَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ فَقَدْ كَفَرَ. Et celui qui renie, qui ne reconnaît pas une partie des noms d'Allah ou de ses attributs, a fait acte de mécréance. قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Le Très-Haut nous dit dans le sens du verset, alors qu'il mécroit au tout miséricordieux, dit, c'est lui mon Seigneur, point de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. En lui je cherche refuge, et c'est vers lui que se fera mon retour. Wa ahlu sunnati wal jama'a yuthbitun ma athbathahu Allah, ma athbata Allah li nafsihi min sifati al kamal wa yunfuna anhu jami'a sifati al naqs. ويعتمدون فيما يثبتون أو ينفون عن الكتاب على الكتاب والسنة. Les adeptes de la Sunna et du groupe. Ça c'est un des noms qui est donné aux gens de la droiture et au groupe sauvé et à la faction rescapée. On les appelle Ahl Sunna parce qu'ils sont attachés à la Sunna. Ils s'en remettent à la Sunna. Ils retournent à la Sunna. Ils prennent source dans la Sunna. Wal Jama'a, parce qu'ils sont liés au groupe mère, le groupe des pieux prédécesseurs, as-sahaba wa tabi'in. Et donc la sunna est toujours liée au groupe. On mentit, se sont trompés ceux qui disent que Ahl Sunna divise. C'est pas vrai. La division ne vient que des innovateurs. Mais puisqu'on vit dans des époques où l'innovation, elle est propagée, les gens sont noyés dans les innovations, donc ils croient ils forment un groupe. Mais c'est pas un vrai groupe. Donc quand quelqu'un vient les appeler à la Sunna, ils le considèrent comme une personne qui sépare et qui divise. Mais en réalité, cette personne les invite à retourner au groupe mère. Le groupe qui existait à l'époque du prophète, alayhi wassalam, et les sahaba, radiallahu anhum. Voilà le véritable groupe qu'il ne faut pas quitter. Et non pas rester dans le groupe de l'égarement, puis prétendre que Ahl Sunna vient diviser. Ça, c'est une chose. Et c'est pour cela qu'on dit Ahl Sunnati wal Jama'a. Et de l'autre côté, on dit Ahlul bid'ati wal furqa, les adeptes de l'innovation et de la division, de la scission. Car c'est eux, lorsqu'ils ont amené les innovations, qu'ils ont été la cause de la division dans la communauté. S'il n'y avait pas d'innovation, tout le monde serait uni dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et dans le verset coranique, يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Le jour où des visages resplendiront et d'autres seront assombris. Quant au visage assombri, avez-vous mécru après avoir cru, goûtez au châtiment pour goûtez donc au châtiment pour avoir mécru, et à ceux dont le visage resplendiront, alors ils seront dans la miséricorde d'Allah, ils y demeureront éternellement. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jama'a wa taswaddu wujuh ahli al-bid'ati wal furqa. Resplendiront les visages des adeptes de la sunna et du groupe, et seront assombris les visages des gens de l'innovation et de la scission et division. Donc, un de leurs noms de ce groupe sauvé de la faction rescapée, c'est Ahl Sunnati wal Jama'a. Et on les appelle aussi Ahl al-Hadith, les adeptes du Hadith, car ils tournent avec le Hadith et ils vont avec le Hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils sont liés à ce qui nous a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Et on les appelle Ahlul Athar, ceux qui sont sur les traces des pieux prédécesseurs, ceux qui sont sur les traces des sahaba et des tabi'in des trois générations vantées par le prophète alayhi salatu wassalam. Khairun nasi qarni thumma alladhina yulunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens, ce sont ma génération, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. Certains ulama expliquent une génération pour une période de 40 ans. Une période de 40 ans, c'est une génération. Tayyib. Et on les appelle aussi As-Salafiyoun wa Atba'u As-Salaf. Ce sont que des filiations honorables et bonnes. Quelqu'un a honte de s'affilier aux Sahaba? Non. A honte de s'affilier au tabi'i? Non. C'est tout un honneur de s'affilier à eux, car eux étaient sur l'islam authentique. Et tous ces termes sont synonymes et ont la même définition. Wa salafi, c'est celui qui s'affilie au salaf. Et il n'y a aucun mal là-dessus. C'est même une obligation d'être affilié à eux. Si tu es dans l'islam authentique, tu dois t'affilier aux générations premières des sahaba et des tabi'in. Donc il n'y a aucune innovation là-dessus. C'est seulement une précision, puisqu'on se trouve face à beaucoup de sectes et beaucoup de tendances. Et ceux qui vous embêtent par des questions, ouais, mais pourquoi on se dit salafi? Pose-toi la question, pourquoi certains se disent ikhwan? Pourquoi certains se disent tabliri? Pourquoi certains se disent telle ou telle ou telle tendance? T'as trouvé que le terme salafi qui t'embête? Subhanallah. Ikhwan, c'est un terme qui veut dire quoi? Frères musulmans, alhamdoulilah, en tant que musulmans, on est des frères. Et il y a la fraternité musulmane. Si c'est pour préciser qu'on est des frères, soit. Non, c'est une affiliation à un parti politique et un mouvement inventé en 1928 par un Égyptien, Hassan al-Banna. Tablir, pour dire que tu dois transmettre l'islam, c'est un devoir de transmettre l'islam. Et à chacun selon le degré et la capacité qu'il a. Et à chacun sa place. Non, c'est pas ça. C'est une affiliation à un mouvement qui s'est donné ce nom, qui a été créé en Inde par Mohamed Ilyas al-Kandahlawi en 1930. Et ils sont fiers de leur affiliation. Les gens sont soit affiliés au nom de leur fondateur, soit ils sont affiliés à des points de la religion sur lesquels ils se sont reconnus, ou soit ils sont affiliés à une innovation qu'ils ont inventée. Et toi, tu as du mal à reconnaître que tu es salafi, que tu t'affilies aux pieux prédécesseurs, aux sahaba radiallahu anhum. On regarde même dans le domaine des madhhab. Un dit moi je suis malikite, l'autre moi shafi'ite, et l'autre hanafite, et l'autre hanbali. Et tout le monde n'y voit aucun mal là-dessus. Alors que c'est une affiliation à un homme. Et salafi, tu es affilié à toutes ces générations honorables. Pas un seul. À tous. Tous les grands imams des premières époques. Parmi les tabi'in et ceux qui les ont suivis convenablement. Donc ne tombez pas dans ce piège. Et ne vous faites pas avoir par des soi-disant fatwas trouvés par-ci, par-là. Premièrement, ces gens, leur façon d'entreprendre, elle est fausse. Parce qu'ils ont la conviction du rejet du terme salafi et ils vont chercher tout ce qui va soi-disant appuyer leur conviction. Contrairement à un chercheur de vérité. Maintenant, si ce terme est employé par des personnes pour faire croire qu'ils forment un mouvement comme une secte et ils se donnent ce nom qui est honorable, cela sera rejeté. Et ils ont mal employé le terme. Et voilà comment il faut comprendre certaines fatawas des ulama de la sunna. Ils répondent selon les questions qui leur sont posées et les données qu'ils ont à ce moment-là. Sinon, personne ne peut remettre en cause l'affiliation aux pieux prédécesseurs. Tayyib. Donc, Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils reconnaissent à Allah ce qu'il s'est reconnu pour lui-même comme attribut parfait. Et ils rejettent et ils ne reconnaissent pas à Allah toutes les attributs qui sont des attributs qui rabaissent ou qui diminuent. Et ils s'en remettent pour cela dans ce qu'ils reconnaissent à Allah ou dans ce qu'ils ne reconnaissent pas à Allah, ils s'en remettent au livre et à la sunna. فَمَثَلًا إِذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الرحمن على العرش استوى فإنهم يقولون استوى كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يفسرون استوى بمعنى استولى كما ذهب إلى ذلك المؤولة بل يثبتون هذه الصفة ويؤمنون بها على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا، لأن تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر تحريف للكلم عن مواضعه وصرف لللفظ عن ظاهره بلا دليل. A titre d'exemple, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans le sens du verset, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Certains frères, dans la traduction, commettent des erreurs. Par exemple, il y a un verset coranique qui est le meilleur verset du Coran, qui est le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, la vache, qu'on appelle Ayatu Al-Kursi. Comment ils le traduisent, les gens? Le verset du trône. C'est faux. Le verset, il ne s'appelle pas Ayatul Arsh. Il s'appelle Ayatul Kursi. Et Al-Kursi, ce n'est pas l'Arsh. Il y a le Kursi, qui est une création, et il y a l'Arsh, qui est une autre création. Et ce verset, il s'appelle Ayatul Kursi. Et comme Allah nous en parle, il nous dit وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et son Kursi est aussi vaste que les cieux et la terre. C'est pour montrer la grandeur de la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle Kursi, aussi vaste que les cieux et la terre. Tout ce qu'on voit ou qu'on peut atteindre est à l'intérieur du premier ciel. Après, c'est bloqué, fermé, on ne peut pas. Après le premier ciel, il y a le deuxième ciel. Entre deux cieux, il y a une distance de 500 ans. Jusqu'au septième ciel. Les cieux et la terre, le Kursi, il est aussi vaste qu'eux. Et le Kursi, comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, huwa mawdi'u al-qadamayn. C'est ce qu'on appelle le repose-pied. C'est ce qu'on appelle le repose-pied. Ça, c'est Al-Kursi. Al-Arsh, c'est la plus grande créature d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Al-Arsh, c'est le toit de toute la création. C'est le toit de toute la création. Et entre le Kursi et Al-Arsh, la différence de taille entre le Kursi et Al-Arsh, c'est comme un anneau, une bague, jetée dans un désert. Vous avez vu une bague à l'intérieur d'un désert? Subhanallah, et bien cette bague par rapport au désert, c'est la différence qu'il y a entre le Kursi et Al-Arsh. Et Allah est bien plus grand que tout ça, et bien plus puissant que tout ça. Subhanahu wa ta'ala. Donc il faut bien comprendre, lorsque vous entendez Allahu Akbar, il n'y a rien de plus grand qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah, il est le plus grand. Al-Mu'azzin, celui qui appelle à la prière, il dit Allahu Akbar, on t'appelle pour prier ton Seigneur. Il n'y a rien de plus grand qu'Allah qui peut t'empêcher de faire la prière. Et rien ne passe avant Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit et quel qu'il soit, il ne sera jamais plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça a toute sa signification pour celui qui médite et qui réfléchit là-dessus. Taïb, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Le sunna wal jama'a disent, il s'est élevé, subhanahu wa ta'ala, de la manière qui lui convient, avec toute sa grandeur et toute sa puissance et toute sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Et jamais il n'explique le terme istiwa, qui veut dire élévation, par al-istila, qui veut dire prendre le dessus. Al-istila, c'est comme si l'arche avait quelqu'un dessus, et Allah l'a combattu pour prendre la place. Wal-iyadu billah. Regardez comment ils expliquent le terme istawa. Al-istila, c'est de prendre le dessus de celui qui était là. Jamais le prophète n'a expliqué l'istiwa comme ça. Et jamais salaf. Et le terme istawla, ceux qui le ramènent, la seule source qu'ils ont, c'est un poème d'un chrétien arabe. Wal'idhaïdhu billah. Leur source, c'est un chrétien arabe. Lorsqu'il a dit istawa bishrun ala al-Iraq, dans le sens de ce vers de poésie, que Bishr était un roi qui a pris le dessus sur le trône d'Irak. C'est un chrétien arabe qui a fait ce poème. Et ils ont dit, voilà l'explication du terme istiwa. Jamais salaf ils l'ont expliqué ainsi. Wal'iyadu billah. Et comme il dit le grand mufassir, le cheikh al-allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah, il dit, entre istawa et istawla, on a rajouté une lettre en plein milieu, la lettre lam. Il dit, ce lam équivaut au noun rajouté par les juifs. Lorsqu'Allah il leur a dit, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, et dites hitta, nous vous pardonnerons vos péchés. Qu'est-ce qu'ils ont été dire les juifs? Hinta. Ils ont rajouté un noun pour ne pas dire ce qu'Allah leur a demandé. Il a dit, ce lam, c'est le noun que les juifs ont dit, qu'ils ont rajouté. Wal'iyadu billah. Tout ça est dû à quoi? Le manque de soumission. Le terme soumission, il a toute sa place. Le terme islam. Au lieu de se soumettre et de se rabaisser face aux textes religieux et reconnaître son ignorance et sa faiblesse et son manque face à son Seigneur et la confiance totale en ce qu'Allah nous a révélé, non, ils remettent en cause ce qu'Allah a révélé. Quelqu'un vient vous dire, pourquoi vous dites qu'Allah il a une main? Pourquoi vous dites qu'Allah il descend? Pourquoi vous dites qu'Allah il vient? C'est pas nous qui l'avons dit. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est pas nous. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Jusqu'à que un de ses innovateurs, anciennement, il aurait aimé, il a dit, enlever certains versets du Coran. Comme ça, plus personne ne peut dire, affirmer à Allah ce qu'il s'est affirmé à lui-même. Donc ces gens-là, croient-ils qu'ils connaissent le Seigneur mieux qu'il se connaît lui-même? Subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous dit, Allah s'affirme et nous parle de lui, subhanahu wa ta'ala, à ses serviteurs. Et certains disent, non, on ne reconnaît pas. Wal'iyadu billah. Vous avez vu le danger? Et ça, ils n'ont aucune réponse là-dessus. Ce n'est pas nous qui avons dit. C'est Allah qui a dit. Oui, mais, le mais, c'est ce qui amène à l'égarement. Tu ne veux pas dire oui, nous avons entendu et j'obéis. Ça, ils ne veulent pas. Le mais là, c'est ce qui nous emmène à l'égarement. Ils ne veulent pas l'acceptation, la soumission. Non. Pourquoi? Parce que mon intellect et ma raison ne l'acceptent pas. Voilà. On retourne encore au problème du raisonnement. Voilà, à la raison. Parce que la raison, elle a sa place pour ces gens. Ils l'adorent en dehors d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la raison. Parce que dans ma tête, je n'arrive pas à concevoir. On ne t'a pas demandé de réfléchir ou de méditer là-dessus. Allah, il existe, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tu reconnais l'existence d'Allah et tu reconnais l'existence des créatures. Et l'existence des créatures ne ressemble pas à l'existence d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il en est de même pour les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais parce que il rentre le raisonnement là où il ne lui est pas demandé de rentrer. Là où il lui est demandé de ne pas rentrer, là où il est demandé de se soumettre complètement, Allah nous dit et on y croit. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète est l'homme qui connaît le mieux son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il nous parle d'Allah et on y croit. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, parce que sinon, ça fera ressembler à une créature. Mais qui vous a dit d'en arriver là? Alors certains ont été jusqu'à faire ressembler le créateur aux créatures. Et c'est ce qu'on appelle Al-Mushabbiha. Allah, il a une main comme la créature. Allah, il a une vue comme la créature. Il a une ouïe comme la créature. Et les autres, de peur de le faire ressembler aux créatures, ils lui ont tout nié. Non, Allah, il n'a rien. Comme Ahmad l'a dit, jamais quelqu'un n'a pu expliquer le néant comme ils l'ont fait. Comme ils l'ont expliqué. La définition qu'ils ont donnée d'Allah, c'est la définition du néant. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, ceux qui font ressembler à Allah, ils adorent une statue. Une statue. Et ceux qui renient, rejettent tout d'Allah, ceux-là, ils adorent le néant. Et quand Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a eu sa confrontation avec des innovateurs de son époque devant un gouvernant et qui a accepté d'écouter Ibn Taymiyyah pour se défendre, il avait son droit de réponse. Et Ibn Taymiyyah s'est très bien défendu, rahimahullahu ta'ala. Et quand il a écouté ces gens dire, non, nous on dit, Allah il est ni en haut, ni en bas, ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche, ni à l'intérieur de la création, ni à l'extérieur de la création. Le gouvernant a dit, voilà des gens qui ont perdu leur Seigneur. Subhanallah, voilà des gens qui ont perdu leur Seigneur. Wal'iyadu billah, alors qu'il leur a été demandé seulement de dire, sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous obéissons. On te demande le pardon, ô notre Seigneur, et c'est vers toi que se fera le retour. Voilà les paroles des Sahaba, radiallahu ta'ala, anhum. Donc, il n'explique pas le terme istiwa par istila, istaula, comme l'ont fait ceux qui interprètent faussement. Mais ils reconnaissent cet attribut à Allah subhanahu wa ta'ala et ils y croient, comme cela est propre à Allah tabaraka wa ta'ala. Car le fait d'expliquer istiwa par le terme istila, c'est une altération des mots, de leur véritable sens. Et voilà ce qu'Allah a reproché aux gens d'avant et au peuple d'avant lorsqu'ils ont altéré. Mais regardez ces gens, ils emploient le terme ta'wil. Et ça aussi, c'est un autre problème. Et Cheikh Mohamed Omar Bazmoul, hafidhahullah, docteur, professeur fi Jami'at Umm al-Qura fi Mecca, il a un ouvrage qui s'appelle Al-Haqiqatu Shar'iyya, la réalité religieuse. Et chaque chapitre, c'est un mot. C'est quoi le sujet? C'est qu'il y a des mots qu'on emploie dans des époques ou à notre époque avec un sens, mais dans le Coran et la Sunna, ils sont employés, mais avec un autre sens. Donc celui qui viendrait à expliquer, à traduire, et qui ne connaît pas cette réalité-là, il se trompera de chemin. Et il fera erreur. Et donc il y a plein de termes. Et parmi ces termes, il y a ce terme-là qui est at-ta'wil. At-ta'wil, c'est l'explication. Ou l'interprétation dans le sens d'explication, de commentaire, détaillé. Et les innovateurs ont pris ce terme et l'ont mis pour un agissement venant de leur part pour que les gens ils acceptent ce mot qui est connu dans la religion. Mais ils ont oublié que mettre une étiquette là où elle n'a pas sa place, ne change en rien la réalité de la chose. Ça, c'est une bouteille d'eau. On se fiche de la marque. J'enlève et je mets l'étiquette de Coca-Cola. Les gens vont lire quoi ? Coca-Cola. Mais le contenu, ils savent que ce n'est pas Coca-Cola. Pourquoi ? Parce qu'ils voient que c'est de l'eau. Ça sert à rien. Taïeb, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont employé le terme ta'wil parce que le terme ta'wil, à la base, il est connu en religion. Mais avec le temps, les gens oublient le sens et oublient ce qui est voulu. Et eux, là où ils l'employaient, en réalité, ce qu'ils ont fait, c'est du tahrif. C'est de l'altération. Mais s'ils avaient dit tahrif, tout le monde les aurait quittés. Comme a dit Ibn al-Qayyim, si le mal, on vous le propose, on vous le présente ainsi, personne ne le veut. Mais si le mal, on lui met un beau vêtement, hein, et qui cache l'intérieur, et qui est attirant, eh ben les gens vont l'accepter. Non pas pour ce qu'il a, le contenu, mais pour l'apparence qu'il a. Et c'est ce qu'ils font les gens du faux. Qui vous font apparaître une chose, mais à l'intérieur, il y a un mal qui est caché. Subhanallah. On appelle ça du telbis. Comme le livre Telbis Iblis. C'est les embellissements, hein, que met Shaitan aux gens pour les attirer dans le mal. Donc, ils ont employé le terme ta'wil. Alors qu'en vérité, ils font at-tahrif. Comme Allah il dit sur les gens du livre qui ont fait yuharrifuna al-kalim an mawadi'i. Ils altèrent les termes, les mots de leur véritable sens. Et voilà la réalité de ces gens-là sur cette question de al-asma wa sifat. Et ils détournent le terme de son sens apparent sans aucune preuve. Parce que lorsqu'on parle, on emploie des termes à prendre sur leur apparence. Et il ne nous est pas demandé d'aller chercher, soi-disant, un sens caché derrière le mot. Non. Chaque mot, il a un sens. Et parfois, il y a des mots, tout le monde sait en premier lieu que ce n'est pas le sens littéral qui est voulu. Mais ça, c'est connu de tout le monde. Comme Allah il dit, وَاسْأَلِ الْقَرْيَا الَّتِي كُنَّ فِيهَا وَاسْأَلِ الْقَرْيَا وَالْعِيلَ الَّتِي كُنَّ فِيهَا. Et demande, lorsque les fils de Yaqub alayhissalam lui disent, et demande au village, tout le monde sait qu'il n'est pas demandé de se mettre face à un village et dire, village, réponds-moi. Ça veut dire les gens du village. Ça, c'est compris. Ce n'est pas une interprétation, c'est le sens direct qui nous vient à l'esprit. Sinon, en général, tout terme, il a à prendre dans son apparence. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont été faire ? Non. Les termes ont un sens apparent, ils ont un sens caché. Après, ils ont été inventés. Et les walis, ce sont eux qui ont le sens caché. Ibn Arabi, il en arrive à faire un tafsir, le tafsir du sens caché du Coran. Les gens, ils sont, comme ils disent, à l'ouest. Ils ont pris que les sens apparents, mais en réalité, il y a un sens. Jusqu'à que certains parmi eux, Ibn Sheikh Mohamed Al-Amin al-Shanqit, il réfute cette parole. Je crois que c'est As-Sawi, un homme qui a vécu il y a quelques siècles de là, qui a dit que de suivre ce qui apparaît des textes est un des fondements de la mécréance. Wal-iyadhu billah, a'udhu billah. Tout ça pourquoi ? Pour légitimer leurs égarements et leurs innovations. Wallahu al-musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait aux sahaba, les sahaba prenaient ses paroles comme ils venaient. Et les sahaba, lorsqu'ils parlaient au prophète, de même. Ce n'est pas connu ce genre, cette façon de faire. Subhanallah. Mais imaginez-vous si dans la vie de tous les jours, on devait agir ainsi. Plus personne ne se comprendrait. Ramène-moi un verre d'eau. Bah, je t'ai demandé de me ramener un verre d'eau. Ah, mais j'ai pas compris, moi. Je savais pas que c'était vraiment un verre d'eau que tu voulais. Je pensais que c'était autre chose. C'est comme la soumission face au texte religieux. Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, Son prophète a dit, alayhi salatu wassalam, tu as les gens qui viennent. Oui, mais est-ce que vraiment c'est ça qu'il a voulu le prophète? Mais est-ce que c'est obligatoire ou seulement recommandé? Est-ce que des questions que les sahaba ne connaissaient pas. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ce grand savant, cet imam, Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit à la base, tu n'as pas à poser cette question. Tu vois un ordre qui te demande d'accomplir une chose, tu l'accomplis. Qui t'interdit une chose, tu t'en abstiens. Puis dans ton cheminement, si tu sais que c'est une obligation, tant mieux. Si tu sais que c'est une recommandation, tant mieux pour toi. Mais dès le début, est-ce que c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Ça, ce n'est pas une façon de faire des compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Et ces gens qui enseignent ça aux gens, on appelle ça la mauvaise éducation. Ils viennent parler d'éducation. On le sait qu'on n'est pas à l'abri de la mauvaise éducation. Et qu'Allah, il nous donne une bonne éducation. Mais en premier lieu, la bonne éducation, on doit l'avoir envers notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui n'est pas bien éduqué envers son Seigneur, subhanallah, il devrait se remettre en cause. Être bien éduqué envers le prophète, alayhi salatu wassalam, envers les parents, envers les gens, et ainsi de suite. Et ils viennent, ils disent, ouais, lui, il est mal éduqué. Mais toi, qu'en est-il vis-à-vis des paroles d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam? Mais lorsque les ordres viennent de leurs chefs, de leurs élites, de leurs gourous, et donnez les noms que vous voulez, alors là, ils les appliquent à la lettre, comme un soldat face à sa hiérarchie, à qui on dit, tu ne poses pas de questions face à tes supérieurs. Subhanallah. Et il s'exécute. Alors qu'il est en droit de ne pas le faire. Parce qu'ils n'ont aucun ordre à lui donner. Ce n'est pas le gouvernant. Parce que ces gens-là, ils disent, il ne faut pas obéir au gouvernant. Ah d'accord. Mais toi, il faut t'obéir. C'est ajib quand même. Le prophète, il a dit, obéissez au gouvernant. Et lui, il te dit, non. Tu n'obéis pas au gouvernant. Mais lui, quand il donne un ordre, vu son statut dans le mouvement, tu lui dois obéissance. Là où le prophète n'a pas demandé d'obéissance. C'est agible, c'est étonnant de comment ils fonctionnent les gens. Mais s'il n'obéit pas, c'est un mauvais élément. Et lorsqu'il y aura des grades à prendre, il n'en prendra pas. Parce que c'est un mauvais élément. Mais il a le droit de dire, mais je ne savais pas que c'était une obligation. Quand tu m'as demandé de faire telle tâche, je pensais que c'était seulement recommandé. Ça n'existe pas ça. Mais alors pourquoi ils le font avec les paroles du prophète et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voyez-vous qu'ils sont bien dans l'égarement, wal'iyadu billah, et qu'ils sont mal éduqués là-dessus. Car s'ils étaient bien éduqués, ils se soumettent face à la parole d'Allah et face à la parole de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne leur viendrait même pas à la tête de dire « oui, mais un tel a dit ». Mais puisqu'ils le disent, c'est parce qu'ils ont une éducation qui est mauvaise. Et surtout quand vous entendez certains dire « lui, il a appris 3 versets, 2 hadiths, et il parle. Vous l'avez déjà entendu, ce genre de propos? Oh, partout, on les a entendus. Subhanallah. Vous avez vu le respect qu'ils ont pour les versets et les hadiths? Un verset. Toutes les paroles de ton maître ne valent pas un verset. Subhanallah. Toutes les paroles que tu apprends, les poésies, tout ce que tu veux, les textes que tu apprends par cœur, d'un tel, d'un tel, d'un tel, ça ne vaut pas un seul verset coranique. La meilleure des paroles et la plus haute des paroles, c'est la parole d'Allah. Le prophète, il le disait souvent. Amma ba'd fa inna khayra al-kalam fa inna asdaq al-kalami kitabullah. Il n'y a rien qui est au-dessus de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et voilà le respect qu'ils ont pour un verset coranique. Wal'iyadu billah. Ils ne sont jamais capables, même si tous les humains et les djinns se mettaient ensemble, de ramener l'équivalent d'un seul verset coranique. Même s'ils étaient soudés dans l'entraide, ils ne pourraient pas. Parce qu'on le sait que ce n'est pas cette parole. Ils peuvent vous dire, non, moi ce que j'entendais par là, s'il ne faut pas qu'ils prennent la place des savants en croyant qu'un verset ou 3 hadiths, ils connaissent tout l'islam. C'est une vraie parole. Mais venant de votre part, ce n'est pas vrai. C'est une vraie parole. Oui, quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il a appris un peu de science qu'il prend la place qui ne lui est pas la sienne. Soit, mais vous, ce n'est pas ça. C'est parce qu'avec un verset, 2 hadiths, il vous a stoppé. Vous n'avez pas pu lui répondre. Et pour vous défendre, vous n'avez trouvé que ça à dire. Tu viens, tu lui poses une question. C'est quoi le dalil de ce que tu viens de dire ? Mon frère, tu connais le Coran par cœur ? Non. Tu as étudié quelque chose ? Non. Ça, c'est ce qu'on appelle du hors-sujet. La question n'est pas là. Je te demande, c'est mon droit. Et je veux savoir c'est quoi la preuve de ce que tu dis. C'est tout. Mais non, parce qu'il sait qu'il n'a aucune preuve. Mais pour pas perdre les gens qui sont attachés à lui, il essaie de trouver des moyens. Et parmi les moyens, c'est de dénigrer et rabaisser la personne. Après, ça vient parler de bon comportement. Wal'iyadhu billah. وكذلك في نحو قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. De même, comme exemple, la parole d'Allah, le Très-Haut, dans le sens du verset. Mais ses deux mains, elles sont bien ouvertes. Dans le sens du verset. فيثبتون لله يدا تليق بجلاله. Donc, ils reconnaissent à Allah une main comme il se le doit. وعظمته. Et comme il se le doit à sa puissance et à sa grandeur. ولا يؤولون اليد بمعنى القدرة والنعمة. Et jamais ils n'interprètent le mot main par la capacité ou par la donation des bienfaits. كما ذهب إلى ذلك الجهمية والمعتزلة. Comme l'ont fait les sectes de الجهمية et le secte de Al-Mu'tazila. Regardez, Al-Jahmiya, la filiation, elle est à qui ? À un homme, Al-Jahmi ibn Safwan, le fondateur de la secte. Al-Mu'tazila, c'est à une action. C'est un homme, c'est Wasl ibn Atta, qui s'est retiré de l'assemblée de l'Hassan al-Basri. I'tazala majlis al-Hassan al-Basri, à Bassora, en Irak. Et cette action-là est devenue le nom de cette secte Al-Mu'tazila. Donc leur nom, c'est une affiliation, comme je vous ai dit, à titre d'exemple, à un homme, ou à une action, ou à une innovation, ainsi de suite. وَمَنْ سَارَ فِي فَلَكِهِمْ مِنَ الْمُؤَوِّلَةِ. Et ceux qui ont pris le même chemin qu'eux, parmi ceux qui altèrent. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Il en est de même pour la parole d'Allah. C'est des exemples que le cheikh ramène du Coran. Et ton Seigneur est venu ainsi que les anges en rang. فَأَهْلُ السُّنَّةِ يَقُولُونَ يَجِيءُ مَجِيئًا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ كَمَا يَشَاءُ وَكَيْفَ يَشَاءُ. Les adeptes de la sunna disent qu'Allah vient de la manière qui lui est propre, propre à sa majesté et à sa puissance et à sa grandeur, comme il veut et comment il veut. Et il n'altère pas cela, il ne lui donne pas une fausse interprétation. Quelle que soit la manière, min ashkal al-ta'wil. وهكذا نجدهم يسيرون على هذا المنهج في سائر أسماء الله وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة. Et voilà comment ils avancent et comment ils agissent face à tout ce qui est rapporté comme nom et attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la voie sur laquelle ils avancent concernant tous les autres noms d'Allah et ses attributs rapportés dans le livre et dans la sunna. وكانوا بذلك وسطا بين المعطلة والجهمية والمعتزلة وبين المشبهة الذين يمثلون الله بخلقه. Et en faisant cela, ils sont dans le juste milieu entre les négationnistes parmi les jahmites, les mu'tazila, et entre ceux qui ont fait ressembler à Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux qui font ressembler Allah à sa création. وَهَؤُلَا إِنَّمَا وَقَعُوا فِي مَا وَقَعُوا فِيهِ مِنَ التَّأْوِيلِ وَالتَّعْطِيلِ لأنهم لم يفهموا من صفات الله عز وجل إلا ما يليق بالمخلوق. Et cela, ils sont tombés. Dans quoi ils sont tombés? Comme interprétation et altération, et comme négationnisme, car ils n'ont pas compris convenablement les attributs d'Allah Azza wa Jal, mais ils les ont compris comme les attributs qui sont propres aux créatures. فَأَرَادُوا أَنْ يَتَخَلَّصُوا مِنْ ذَلِكَ فَلَجَأُوا إِلَى التَّأْوِيلِ وَالتَّعْطِيلِ فِرَارًا مِنَ التَّشْبِيهِ عَلَى حَدِّ زَعْمِهِمْ. Et ils ont voulu se libérer de cette ressemblance. Alors ils en sont arrivés à interpréter et à altérer pour se sauver de peur de faire ressembler à Allah selon leurs prétentions. فَكَانُوا بِذَلِكَ كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَى بِالنَّارِ حَيْثُ إِنَّهُمْ وَقَعُوا فِي شَرِّ مِمَّا فَرُّ مِنْهِ. Et en faisant cela, il ressemble à celui... Comment on traduit ça? Al-Mustajir min al-Ramda bin-Nar. Pour se protéger de la poussière ou des cendres, il veut se protéger avec le feu. Non. Celui qui veut se protéger des cendres ou de la poussière, il cherche protection auprès du feu. De sorte qu'ils sont tombés, ils se sont sauvés d'un mal qu'ils avaient peur de tomber dedans. Mais leur agissement les a amenés à un mal bien plus grand. فيجب على كل مسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته ويثبتها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. Donc il est un devoir, une obligation pour chaque musulman de croire, d'avoir la foi au nom d'Allah et en ses attributs, et qu'il lui reconnaît cela comme il se le doit, comme cela est propre à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Wa ma ahsana jawab al-imam Malik rahimahu Allah ta'ala, imam dar al-hijra, hinama sa'alahu ahad al-mubtadi'a an kayfiyyat al-istiwa fi qawlihi ta'ala ar-rahman 'ala al-'arsh istawa. Et quelle belle réponse donné par le grand imam, le grand savant, l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, rahimahullah ta'ala, l'imam de la demeure de l'exil, le grand imam de Médine et de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque un homme parmi les innovateurs le questionna sur le comment Allah il s'est élevé au-dessus de son trône. فقال المبتدع كيف استوى. Donc l'innovateur a dit comment il s'est élevé. L'imam Malik, il est en plein cours devant ses élèves, et cet homme arrive et entre dans la mosquée et il pose cette question inconnue chez les salafs, inconnue chez les sahaba, et au même moment il perturbe en posant cette question des gens qui sont, comme on dit, tranquilles dans leur tête, qui ne se posent pas ce genre de questions, qui sont à l'abri de ce mal. Et il lui dit, comment Allah s'est élevé? Faqala al-imam Malik. Et l'imam Malik, rahmatullah, de répondre, al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhoul, wal-iman bihi wajib, wal-su'al anhu bid'ah. Et il lui dit, ce grand imam, al-istiwa est connu. C'est un terme connu dans la langue arabe. Bima'na ala wartafa'a. Comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Il est élevé au-dessus. Et le comment est ignoré. On ignore le comment. Et on n'a pas à se poser la question comment. Et d'y croire C'est une obligation. Parce qu'Allah nous en parle. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah, ce qu'il nous dit, est toute vérité. Et qui peut être plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Et de poser cette question, c'est une innovation. Alors, les gens disent, oui, vous nous embêtez avec le mot bid'a, bid'a, bid'a, ou le mot haram, haram, haram. On entend ce genre de phrases. Mais dans nos pays, les gens se disent, nous on suit l'imam Malik. Ben l'imam Malik, il a dit bid'a. Subhanallah. Savez-vous le comportement qu'avait l'imam Malik face aux innovateurs? Ils ne savent pas, les pauvres. Certains même, ils pensent que l'imam Malik était un Marocain ou un Algérien. Il a habité dans telle adresse, à Rabat ou à Alger, je ne sais où. Jamais il n'a mis ses pieds au Maghreb. Et l'imam Malik, il est médinois. Il est né à Médine, il a vécu à Médine. Et il est mort à Médine, rahimahullahu ta'ala. Et si réellement il suivait l'imam Malik, il serait en conformité avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est bien plus triste, c'est qu'ils ont dit, dans les ibadats, comment je dois prier, comment je dois donner la zakat, comment je dois jeûner, comment je dois accomplir le pèlerinage, les règles du mariage, du commerce, là on suit l'imam Malik. Et fait l'aqida? Non, on a quelqu'un d'autre. Là, non. Non, on est Ash'ari fait l'aqida. On suit Abul Hassan al-Ash'ari? Oui, mais Abul Hassan al-Ash'ari n'était pas maghrébin. C'est un Irakien. Il était de Bagdad. Subhanallah. Il était en Irak. Et aujourd'hui, on entend, oui, mais votre islam, là, que vous nous expliquez, que vous nous propagez, d'où il vient? Il vient d'Arabie? Oui. Et pour votre gouverne, le prophète, il était en Arabie. Et l'islam nous est venu d'Arabie, de la Mecque et de Médine. Subhanallah. Ça, vous, si vous ne le savez pas, on vous l'apprend. Parce qu'il y en a, c'est comme si c'était un danger. Ah non, non, ça, c'est, ça vient d'Arabie. Oui, mais sachez que l'islam vient d'Arabie. Subhanallah. Si seulement ils réfléchissaient sur leurs paroles. Et l'imam Malik, vous-même, le madhab que vous avez, il vient d'Arabie. Et la aqida que vous dites suivre, si vraiment elle est, c'est sa aqida, elle vient d'Irak. Il n'y a rien qui est maghrébin. Subhanallah. Donc pourquoi dire des phrases qui n'ont pas lieu d'être? La vérité, on l'accepte de là où elle vient. Subhanallah. Il n'y a pas de frontière. Mais là, de dire, remettre en cause qu'une chose nous vient d'Arabie, alors que le prophète, il vient d'Arabie, l'islam vient d'Arabie, et le pèlerinage, on l'accomplit en Arabie. Wallahi, ça fait peur quand même. Subhanallah. Tayyib. L'imam Malik, rahimahullah, il dit, et de poser cette question, c'est une innovation. Thumma amara bi an yukhraj al-mubtadi' min majlisih. Puis il a ordonné qu'on fasse sortir cet innovateur de la mosquée. C'est l'imam de la mosquée, respecté. Et cet homme est un véritable perturbateur, dans tous les sens du terme. Et il vient de commettre une grave erreur. Donc, il mérite d'être sorti de l'assemblée et de laisser tranquille les gens apprendre leur religion convenablement. وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مَالِكُ فِي الْإِسْتِوَى يَجْرِي فِي سَائِرِ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Est-ce que l'imam Malik rahimahullah a répondu concernant Al-Istiwa? C'est la même réponse qu'on aura pour tous les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. À chaque fois que vous nous ramenez un attribut qui est dans le Coran et la Sunna, on donnera la même réponse. Dans la Sunna dit Allah yanzil, al-nuzul ma'loum, wal-kayfu مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Et ainsi de suite. Chaque attribut d'Allah, il en est ainsi. فهو قاعدة عظيمة. C'est une règle énorme, une grande règle de base. ينبغي التنبه لها. Il faut y prêter attention. والسير عليها et d'avancer avec. حتى نسلم بذلك من ضلال المعطلة وزيغ المشبهة. Pour être à l'abri, en sûreté face à l'égarement du négationnisme ou de donner ressemblance. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Là on a respecté.